Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent.